Fresh music. Il fait coquer mes nids il cagoute et qu'il m'en dépise. Il fait même ni tant que les polices, pas ni pour mi temps, vu qu'il fait prise. Elle fait la chata toute la night. Chata toute la night. Elle bouge son bunda, faut que je la wine. Bunda, faut que je la wine. Meilleur blocage, coup de vibe. Faut que tu descends chaque coup de basse. Descends chaque coup de basse. Descends chaque coup de basse. Elle fait la chata toute la night. Chata toute la night. Elle bouge son bunda, faut que je la wine. Bunda, faut que je la wine. Meilleur blocage, coup de vibe. Faut que tu descends chaque coup de basse. Descends chaque coup de basse. Descends chaque coup de basse. Descends à chaque coup de basse. Vu qu'elle est ça, je lui fais la passe. Faut donner à ceux qui n'en ont pas. Si tu le fais pas, ça sûr que je te vois. Pas ni trop comme t'as senti bon. Ça y est, mais sus c'est bonbon. Elle fait aussi y bonne, mais c'est en ton. Mais c'est en ton. Elle fait la chata toute la night. Chata toute la night. Elle bouge son bunda, faut que je la wine. Bunda, faut que je la wine. Meilleur blocage, coup de vibe. Faut que tu descends chaque coup de basse. Descends chaque coup de basse. Descends chaque coup de basse. Elle fait la chata toute la night. Chata toute la night. Elle bouge son bunda, faut que je la wine. Bunda, faut que je la wine. Meilleur blocage, coup de vibe. Faut que tu descends chaque coup de basse. Descends chaque coup de basse. Descends chaque coup de basse. Sans maman, la petite, je la colle devant sa maman. Beaucoup trop à l'aise à chaque mouvement. Faire du sale, c'est mon passe-temps. Sans maman, sans maman, la petite, je la frotte devant sa maman. Beaucoup trop balèze à chaque coup de rein. Tu fais du sale, tu es un gros chien. Elle fait la chata toute la night. Chata toute la night. Elle bouge son bunda, faut que je la wine. Bunda, faut que je la wine. Meilleur blocage, coup de vibe. Faut que tu descends chaque coup de basse. Descends chaque